J'ai été confronté tellement de fois à l'incompétence de Sinistros, mais surtout à son insubordination, que j'ai pris la décision de lui faire une greffe de cerveau, celui d'un petit singe qui était fort docile et obéissant. L'intervention a eu lieu il y a quelques jours et je dois avouer que Sinistros a complètement changé sa façon d'être. Il a conservé l'usage de la parole, quoique déjà assez primaire. Il répond très bien aux consignes et accomplit passablement mieux les tâches que je lui confie. Il faut dire que ses tâches ont toujours été du niveau de celui d'un petit singe. Le seul problème est de taille. Il n'a plus le réflexe d'aller se soulager à la salle de bain. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, son assistant gobelin-singe pseudo-savant, surtout lorsque cet assistant gobelin-singe a mal interprété ses fonctions initiales. Me soulager dans mon travail et non de se soulager sur mon travail. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are undead, incorporated, cause Pendragon fucking said so. Go! What's the point in you just hanging around? Life we deal with for you.

Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation en ce 11 juin de l'an de grâce, de disgrâce et de ce que vous, tout vous voudrez. 2013, je suis le Dr. Pain Pendragon pour vous accompagner ce soir dans cette merveilleuse soirée pluvieuse et remplie de bonnes choses musicales. Et une fois de plus, non, en fait, c'est vrai, c'est faux. C'est un nouvel assistant que j'ai. Maintenant, c'est un gobelin singe pseudo-savant, mais qui porte toujours le nom de Sinistros. Et il sait rire. Il sait rire de lui. C'est bien, nous serons deux, donc, à rire de lui. Et puis, comment tu te portes avec un nouveau cerveau? Ben, j'ai découvert que je détestais les bananes. On a un problème. En fait, ce que tu détestes, c'est les bananes par où tu voulais les manger. Ah. Parce que t'as un processus inversé, tu le sais. Hein? Ouais. Ouais, mais c'est quand... c'est le processus qui suit qui est un peu moins agréable. Ça me rappelle. Pour ça, j'essaie de manger végétarien le plus possible. Oui, effectivement. Ça me rappelle une excellente bande dessinée qui avait été publiée, je crois, dans le Crow ou le Titanic, je ne sais plus. Une version de chirurgie au niveau de l'intestin. Bon, bref. On a une émission très chargée encore ce soir parce que Sinistros et moi avons préparé pour vous chacun un spécial respectif. Le mien étant Earth, Wind & Fire et lui étant Vanilla Ice. Ah, j'ai changé. T'as pris quoi? All & Oates. Ah, ben ça va être encore meilleur. Puis tu sais quoi? Oui. Ben moi, j'ai pas changé. C'est encore Earth, Wind & Fire. OK. Ça va être vraiment plate. Oui. Surtout que j'ai choisi l'entier de leur discographie. Moi aussi, All & Oates, je me suis donné à cœur joie. Ouais, mais All & Oates, il n'y avait pas juste deux pièces, eux autres. Ben, j'ai pris les deux pires. Bon. All & Oates. Mais c'est original. Très, très. Surtout dans le cadre d'une émission dite métal. C'est réanimation, moi, tout vous endormez. Effectivement, ça va être un effet superifique. À l'instant, on vient d'entendre l'excellente formation de Sword et la pièce Dying Earth que l'on retrouve sur la dernière parution Apocryphon qui est parue en 2012 sur Razor Tie and Tie Entertainment. Juste auparavant, nous avions Cathedral et la pièce Vampire Sun, pièce d'ouverture du très très bon album. Excusez-moi, Carnival Bizarre. Nous avions juste avant cela The Devil's Blood, cette défunte formation, et la pièce The Wings of Gloria que l'on retrouve sur l'avant-dernière parution de Thousandfold Epicenter, qui paraît en 2011 sur Metal Blade. Et chose à noter, le dernier album de Devil's Blood est disponible et il n'est pas bon. Non. Et quand je dis dernier album, ben, semble-t-il que ce serait vraiment le dernier album, puisque cette formation s'est séparée il y a de cela quelques mois. Ça nous laisse sur une note légèrement bizarroïde. Très amère. Oui, effectivement. Mais on peut toujours se raccrocher aux albums précédents qui, eux, sont excellents. Et on a ouvert ce bloc et cette édition avec Royal Thunder et la pièce No God tirée de l'album... Pardon, j'ai encore un problème de voix. Hein. C'est incroyable, c'est récurrent ici. En fait, t'avais un problème de reflux gastrique. Excusez-moi. Voilà. Bon, c'est paru en 2012 sur Relapse. Il y a une malédiction ici dans ce studio. À tous les mardis et ceux, je dirais, une fois sur trois minimalement, je perds la voix. C'est pas une fois sur trois. Une fois sur deux? Même une fois sur une. Oui, quasiment. Il me semble que depuis plusieurs semaines, voire mois... Et lorsque je sors du studio, quand j'arrive à la maison, je suis correct. Il y a peut-être quelque chose dans la ventilation, mon ami. C'est possible. Donc, je le disais que nous avons des spéciaux pour vous ce soir, et moi, ce qui me concerne, ce sont les ananas. Oui, c'est bon, les ananas, j'adore ça. Non, spécial musical, bien entendu. Les ananas, c'est le spécial complémentaire pour la fin de soirée. Moi, c'est un spécial Cannibal Corpse que je vous propose. Et moi, j'aurai un spécial Jungle Rot, et comme par hasard, c'était le premier t-shirt qui était sur ma pile, là. Mais oui, regarde ça. Donc, moi, je devrais changer pour faire un spécial Gojira, mais je l'ai déjà fait. Ah, bon, okay, d'abord. Fait que je vais faire un spécial Cannibal Corpse quand même. J'ai quelques trucs à vous parler au niveau d'album. J'ai quelques trucs à vous parler au niveau de cinéma un peu plus tard dans l'émission. Mais sans plus attendre, parce que le bloc d'ouverture de cette émission... excusez-moi. Bon. Miaou. Temporairement, ça devrait être revenu. Puisque, comme je le disais, que ce bloc d'ouverture de cette émission était consacré à un métal plus stoner... Eh bien, nous allons continuer dans un ordre quasi similaire avec un métal qui se veut plus alternatif peut-être Je dirais même voire à la rigueur par moment progressif oui, et même hard rock effectivement. Ouais. On aura du Ghost, Opeth. On aura Killing Joke pour les petites incursions alternatives. On aura Gvelertak qui mélange à la fois le métal, le hard rock, l'alternatif et le punk. Et on finira avec une pièce de Voivod qui est, ma foi... T'es pas sérieux? Ben oui, j'avais même pas remarqué que c'est celle-là que t'avais choisie. Très rigolote pour finir le bloc. Ça va juste être drôle. Ben oui, effectivement. Il y a longtemps que je l'ai pas entendu. Oh, oui, ça va être cool. Alors, sans plus tarder, allons avec Go. C'est la pièce Gigolo Armageddo, yeah, tirée de Infestissumam, apparue en 2013 sur Loma Vista Recordings. Go! Go! vous demandez où entendre les chroniques de Mathieu Plante cet été? Vous cherchez des segments à succès comme « C'est un fait ». Il n'a pas pris son bain depuis 37 ans. Et il est la personne qui sent le plus mauvais et la personne la plus sale à jamais avoir vécu. On le félicite. Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Comme il dit souvent, similaire à « vu à la télé ouais. ». Ça, c'est la version ouais. cheap du vrai. De l'autre version cheap. Et Kinky Sexy Time. Tantôt, on parlait de quand on a des relations sexuelles. Jean-Philippe les voit à l'avance, puis je vois sa face, puis c'est comme... Est-ce qu'il va le dire? Oui. Retrouvez-les toutes et plus encore dans une nouvelle émission estivale. Assemblage requis à la plage, les jeudis de 14h à 18h. On rappelle les samedis à midi et les dimanches à 10h. Tout l'été, assez fou. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis, en passant par Les Ormes, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurones, les lundis 20h. Chaque mercredi midi de l'été, s'intonise C'est fou pour ton dîner dans une bouteille. Ton dîner dans une bouteille, c'est un florilège des chroniques La bière de la semaine réalisées dans le cadre du Dîner de cons depuis 2011. Alors, si tu ne sais pas encore boire, écoute C'est fou le mercredi midi. En rediffusion les samedis, 11h. 89.1. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou avant tout le monde. 89.1. C'est 19h52 et vous êtes à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show en compagnie du Dr. Payne Pendragon et de son assistant gobelin singe plus pseudo-savant Sinistros. celui qui a les fonctions d'ingestion et de... Ouais, et de défection inversée et qui oublie de se rendre aux bons endroits pour faire justement la deuxième portion. T'as venu qu'à vider ma litière. Maintenant, vous connaissez son secret. Sinistros a une litière. Voivod, avec leur version du thème de la série originale Batman des années 60. Ben, c'est vraiment cool. Ça. C'est paru sur le remaster de Dimension Atroce en CD 1988 Noise. Gvelertak, Spring Fra Livet, tiré de l'excellent album Mir, qui est paru en 2013 sur Roadrunner. Killing Joke with the Great Cole, qui est paru sur Absolute Descent de 2010, et c'était sur Spine Farm Records. Opeth, avec la pièce Slighter de l'album Héritage, paru en 2011 sur Roadrunner. Et Ghost, Gigolo or Megiddo, de l'album Infestissumam, l'excellent album de 2013, et c'est sur Loma Vista Recordings. Et voilà. Ceci met un terme à cette édition de réanimation, donc on se retrouve la semaine prochaine avec... Sur ce, ben, allez tous vous faire voir pour une fois. Faire voir, c'est cela. Côté cinéma, eh bien, heureusement, et je suis fort content d'apprendre que... Fortaise. Ben, en fait, je vais commencer par le début. Le 21 juin, donc, si je m'abuse, c'est le vendredi de la semaine prochaine. C'est cela. N'oubliez pas que c'est la sortie de « Et je ne le dirai pas comme l'annonce en français » parce que c'est vraiment poche. C'est la sortie du film « World War Z ». Pas « World War Z ». Oui, c'est-tu... écoute, ça fait... Tu sais, « World War », ils disent en anglais le « Z », qui devrait être prononcé « Z », ils le disent en français. « World War Z ». C'est ridicule. C'est un film de zombies. C'est apparaître, mettant en vedette Brad Pitt. Le 3 juillet, c'est un film que je peux pas dire que j'ai une attente extraordinaire à voir ce film, mais je vais sûrement être très curieux, parce que j'aime bien les trucs avec Johnny Depp, et j'aime bien le personnage. C'est The Lone Ranger. Ben, avec les previews, ça a l'air cool. Oui, ça a l'air cool. Enfin, une date est annoncée officiellement pour un film qui est un film de série B, mais que j'ai très hâte de voir depuis très longtemps, en fait, depuis, je dirais... 2-3 minutes. Facilement, c'est pas 15. Je dirais l'automne dernier. The Frankenstein's Army, qui paraît le 26 juillet. Allez sur le site de réanimation AD.com. Il est dans l'entête du, en fait, dans le début de la page cinéma. Cliquez sur l'image, ça vous amène sur, puis le poster est génial. Donc, c'est le 26 juillet. N'oubliez pas que le 2 août, c'est la suite de 300, Rise of an Empire. En fait, si je veux dire 300, pour, tu sais, pas dire 300, Rise of the Empire, puis World War Z. j'ai découvert, mon cher Sinistros, un que petit... t'avais un cerveau, fais-le! Ben oui, mais légèrement... Court-circuité. Oui. J'ai découvert un petit bijou de film, mais avant, je vais vous parler de quelque chose que j'ai trouvé très moyen. Le Texas Chainsaw 3D. C'est un nouveau film? Ouais. Ben, okay. C'est un nouveau film. Ben, ça n'a pas rapport avec l'autre Texas. Ça a tout rapport entre eux autres. Oui, mais tout, c'est tout pas rapport. Le même, là. Non. C'est une nouvelle production. Nouveau film. Ouais. Okay. En fait, Texas Chainsaw Massacre a vu à peu près 3-4 versions, si okay. on veut. Il y a eu des suites. Ben, honnêtement, là, ça vaut juste un 6,5 sur 10, puis je suis vraiment... Je sais, j'en ai vu un sur Texas Massacre qui date de il y a 2 ans, peut-être, ça se peut-tu? 2 ou 3 ans? Ben, il y en a un qui date de peut-être 4 ans. Là. 4 ans, peut-être, c'est celui-là. Ou, je dirais au minimum 4 ans, oui. Tu crois qu'il y a bien des chansons, là? Et pourtant, c'est drôle, hein, parce que c'est l'histoire d'un plombier. Donc, Texas Chainsaw 3D, c'est paru à la fin de 2012. C'est un film qui met en vedette, entre autres, Scott Eastwood, qui est le digne fils de Clint. Oh. Bon, heureusement, il fait une job quand même pas si mal, là, comme acteur, là. Je te dis pas que moi, je suis un fan de Clint Eastwood, là. Il est pas à la hauteur de son père, là. Mais il est jeune. Faut lui laisser une chance, il est jeune. Mais c'est quand même, il paraît pas si mal. Mais le film est d'une redondance et d'une platitude. Parce que, bon, moi, j'aime l'original de Toby Hooper, de la fin des années 70. Je le trouve très bon. C'était très révolutionnaire. C'était très cru. C'était très dérangeant, quelque part. Mais on a surexploité la franchise. Puis encore là, aujourd'hui, Letterface, tu le rencontrerais dans le corridor, tu lui dirais salut, là. Ah. Peux-tu huiler ta chaîne, ça? Ouais, s'il te comprend, il va peut-être te dire oui. Ben, c'est fait, perdez pas de détour avec ça, là. C'est vraiment inutile. Je vous réitère que American Horror Story, saison 2, Asylum, est vraiment excellente. C'est vraiment excellent. Il faut que vous voyez ça. C'est... Comment je pourrais le dire? C'est un heureux mélange de cauchemars, d'horreur classique, mélangé avec de la torture mentale à quelque part, mais tout ça excessivement bien présenté, très bien léché, graphiquement parlant, c'est impeccable. Et je dois dire que Jessica Lange, qui est l'une des vedettes de cette série-là, de la deuxième saison comme de la première, a été des années-lumière de sa version de King Kong de 1976. Parce que c'était elle qui jouait dedans. Oh oui. Ben, elle est vraiment supérieure. C'est une excellente ben là, peut-être série. Peut-être la vieillesse aide peut-être un petit peu aussi. Ouais, j'imagine, effectivement. Évidemment, bon, l'aspect esthétique qu'elle avait en 76 quand elle jouait dans King Kong, mais elle a gagné énormément en acting, et puis c'est vraiment crédible ce qu'elle fait. Et je vous conseille, évidemment, parce que c'est deux saisons totalement décousues l'une de l'autre. Vous pouvez voir American Horror Story Asylum, indépendamment d'avoir vu American Horror Story, point, qui est paru il y a 2 ans. Donc, mais les deux sont excellents. Le film que j'ai découvert par un... Je ne sais pas si le hasard existe ici où j'étais prédestiné à voir ce film-là, est véritablement très, très bon. Je lui ai donné un 9,5 sur 10. Pourquoi pas 10? Parce que c'est une première... Puis si on veut, c'est un premier épisode d'une trilogie. Et c'est plate parce qu'on attend après le deuxième qui devrait sortir seulement en septembre. Et c'est mais, quoi? Mais c'est un film de 2009. Le titre original est La Herencia de Valdemar. C'est un film espagnol. La version française est Le Territoire des Ombres, Le Secret des Valdemar, qui est la première partie, qui est un film de José Luis Alemán. Eux qui mettent en vedette des noms qu'on ne connaît pas, comme Oscar Jaenada, Sylvia Bascal et Rodolfo Sancho. Bref, on s'en fout. Un film espagnol? Oui, absolument. C'est inspiré d'une histoire de H.P. Lovecraft. Et ça raconte, parce que c'est très victorien, très gothique, Ça raconte l'histoire d'un manoir, celui des Val-de-Mort, qui est abandonné depuis bien des années, et une agence immobilière est mandatée pour aller en faire l'évaluation, parce que le manoir est encore meublé de A à Z, mais ça, d'en faire une évaluation pour le mettre sur le marché. Et la première firme qui avait été mandatée, eh bien, l'évaluateur n'est jamais revenu. Donc, une autre firme a été demandée, et on demande à l'évaluatrice principale de laisser tomber son week-end pour aller faire l'évaluation du manoir qui est en retrait. Et elle se rend là et elle découvre qu'il y a quelque chose d'anormal à l'intérieur. Elle découvre premièrement un cadavre sur une civière qui est en état de décomposition et un personnage pour le moins étrange qui semble arpenter les corridors du... Donc, elle se sauve, ainsi de suite. Et là, on revient en 1874, à l'époque que Lazaro Valdemar, qui est photographe, ne peut avoir d'enfant avec sa femme et il décide d'emménager dans ce manoir et d'en créer une forme d'orphelinat pour avoir des enfants avec lui. Et comme ce n'est pas très payant son métier de photographe, il décide de partir une arnaque qui est celle de faire des fausses séances de spiritisme et de prendre des photos, supposément avec l'esprit qui est appelé par le client. Donc, ça fonctionne très, très bien. Il fait énormément d'argent. Les choses vont bien. Il peut même se permettre de dire, on va ramasser le montant nécessaire pour adopter vraiment les enfants avec nous, les prendre à la charge. Jusqu'à un journaliste scrupuleux qui, lui, s'était immiscé dans ça, découvre que c'est une arnaque et lui fait du chantage. Donc, il se ramasse en prison. Et il est pseudo-man. Et en fait, il attend d'être condamné pour, fraude et ainsi de suite. Il se ramasse en prison jusqu'à ce qu'un personnage vienne le voir à la geôle et se fasse passer pour son avocat. Et il se présente et il lui dit « Je suis Aleister Crowley. » Oh! Et ça commence. Et Aleister Crowley lui dit « Je vais tout te faire discréditer. Je vais m'arranger pour que tu sois libéré, que tu sois innocenté. Et on se reverra plus tard. » Et ça fonctionne. Il piège le fameux journaliste, ainsi de suite. C'est lui qui est accusé, finalement, en bout de ligne. Valdemar est libéré, retourne chez lui, retrouve sa femme, sa vie quotidienne. Et il ne pratique plus l'arnaque des fausses séances d'espiritisme et de photographie d'esprit. Jusqu'au moment où Aleister Crowley vient le voir, lui dit « Tu as ouvert une porte et je veux en profiter. » Et celui-ci dit « Non, je suis un charlatan. » Il dit « Non, ça va au-delà de ce que tu penses et tu as effectivement ouvert une porte et ta maison est bâtie sur un ancien... site d'occultisme célèbre et dans quelques jours, il y aura lieu une éclipse totale de la Lune. Il y a 86 ans que ça n'a pas eu lieu. Il faut faire la séance immédiatement. Et en fait, il use à peine de chantage lui dire « Si jamais tu veux pas obtempérer, ben moi je vais m'en rajouter sur ton en prison. » Fait que l'autre obtempère. Et le soir de cette fameuse séance, il arrive avec des invités qui ont chacune quelque chose à demander à ce pseudo-pouvoir qu'il veut libérer. En fait, il y a Lizzie Borden qui est là. Ça part bien. Bram Stoker, qui est là, créateur de Dracula, entre autres. Il y en a quelques noms comme ça. Il y en a un que je ne connais pas qui était un Italien. Bon, bref, ils font leur séance et ça vire très, très mal. Ils ouvrent une porte et c'est Cthulhu qui sort. Cool. Et ça termine comme ça jusqu'à la deuxième partie qui devrait être disponible à partir de septembre de cette année. Et c'est vraiment excellent. Excellent. Graphiquement parlant, c'est parfait. L'ambiance est extraordinaire. Un amateur comme moi de films très gothiques, très victoriens, d'horreur, il retrouve son compte, hors de tout doute. C'est disponible en DVD en Blu-ray. Le territoire des ombres, Le secret des Val-de-Mort. Je vous le conseille à 100 000 à l'heure. Et le film que je vous recommande de découvrir ou de revoir est simplement Torture Garden de 1967, un film de Freddie Francis. Freddie Francis, c'est un gars qui évolue longuement au travers de la Hammer Production pour des films comme les Frankenstein et Dracula, et ainsi de suite, des belles années 50 et 60. Il met en vedette également cette semaine, comme la semaine dernière, Peter Cushing, Jack Palance et Burgess Meredith. Et Burgess Meredith, ben, on parlait de Batman tout à l'heure, ben c'était le pingouin. Et c'est un film à sketch, et c'est un film qui est extraordinairement bon, qui décrit la mort de chacune des personnes qui veulent consulter une espèce de poupée articulée dans un cirque qui, à l'aide de ciseaux qui se referment, va vous faire voir l'image de votre futur, qui généralement se solde par une mort violente. Je lui donne un 8 sur 10. C'est un film qui se trouve évidemment en DVD et en Blu-ray, mais relativement rare en version française. Ceci étant dit, je vais vous parler de musique plus tard au niveau de nouveautés et de présentations. À l'instant, nous allons commencer ce spécial Cannibal Corpse avec 5 pièces retenues entre 1998 et 2012. On va débuter tout de suite avec la pièce Sentence to Burn, tirée de l'album Gallery of Suicide. Go! But a twisted of the flesh. But

Nous avions They Deserve to Die, que l'on retrouve sur The Wretched Spawn, qui est paru en 2004. Et nous avions ouvert avec Sentence to Burn, tiré de l'album Gallery of Suicide de 1998. Vous aurez noté ici que j'aurais choisi des pièces de Cannibal Corpse qui ne sont pas nécessairement dans le fond, entre guillemets, mais bien des pièces qui sont plus avec du downbeat, power beat, là. Ouais, ils sont juste sur 220, lui, dessus. Ils sont juste dessus, ils sont pas dans le fond. Non, c'est ça. Voilà. Il est maintenant 20h24 et je vous rappelle que vous êtes toujours à l'antenne de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFU 89.1 FM et que vous êtes en compagnie du Gobelin Singe Pseudo Savant Sinistros et de moi-même, le magnifique Dr. Pain Pendragon. Ouh. Hein? Ben, si on se lance pas des fleurs, on soit rien que les pots. Oui, c'est ça. Fait que moi, je t'encourage à te vanter énormément. Je pourrais te tirer les pots après. Ah, c'est bien correct. C'est un bon échange de procédés, n'est-ce pas? Oui. Tu n'es pas obstiné là-dedans, toi. Hein? Oh, ouais. Tu gagnes toujours ton compte. J'accepte ce que tu dis. Tu acceptes ce que je t'envoie aussi, c'est-à-dire le pot. Sinistros aussi, le gobelin singe pseudo savant, nous a préparé un spécial qui est de Jungle Rock. Ah, oh, c'est-tu gentil, ça? Ben oui, mais c'est un message en même temps pour Trois-Rivières Metal. Mettez Jungle Rot au Metal Fest cette année, ça serait très apprécié. Ah, ben tout à fait. Et puis, lâchez-vous là, ramenez-nous Cannibal Corpse, c'est aussi oh, ça serait très apprécié. C'est des petits messages, des petits liminaux comme ça. Là. Oui, absolument. C'est tout en grossièreté, d'ailleurs. Oui. Spécial qui va couvrir les années 2004 à 2013 sur 5 albums. Pourquoi passer de 2004? Parce que j'avais décidé ça, point final. Ben, même s'ils ont 3 autres albums avant 2004. J'ai décidé de commencer avec l'album Fueled by Hate. Alors, ben, on va entendre... C'est une raison qui envoie un autre. Hein? Oui, je me justifierais sûrement pas. Ben, c'est pas nécessaire. Alors, pour débuter ce spécial Jungle Rot, voici la pièce Face Down. Go! Scar. You both. digestion, many demands. Celebration feast, life in visceral, hateful trees. The organs of J'ai eu un petit peu de misère, Sinistro, à reconnaître Hall & Oates là-dedans. Ah oui? Ah, toi ouais. aussi? Ouais. Il me semble qu'ils ont changé un peu. Ben, pour le mieux. Oh, oui, c'est très bien. Est-ce que vous avez trouvé l'intrus dans ce spécial Jungle Rock? Ouais, moi, je t'avouerais que j'ai été premier à lever la main. Oui, je l'ai trouvé, l'intrus, parce que c'est moi qui ai sorti oui, c'était du lecteur. ça aurait été à s'y méprendre, effectivement. On a eu un spécial Jungle Rot. On va y aller en réculant, voyez-vous? Oui, en récapitulant. Oui, en récapitulant. Scorn a tiré le Terror Regime de 2013, qui était sur Victory Records. Demoralized, Kill on Command, également sur Victory Records en 2011. Mais voilà l'intrus. L'intrus était Cold Worker avec la pièce Flesh World, tiré de l'album de Doomsayer's Call de 2012 sur Listenable Records. Et pourquoi Cold Worker s'est retrouvé dans un spécial Jungle Rot? Elle sait pas. Eh bien, sans le savoir, les pochettes ont été inversées. Mais la bonne pochette de Jungle Rot... Non, la bonne pochette était ici. Mais le mauvais disque était ici. Aussi. Alors, il y a un Jungle Rot qui s'ennuie dans une pochette suédoise à la maison. Oui. On a eu Jungle Rot avec Savage Right, tiré d'album Warzone de 2006, qui est paru sur Crash Music, et Face Down de Fueled by Hate de 2004 sur Olympic Recordings. Bon. Alors, on est venu à la conclusion que Cold Worker et Jungle Rot feraient un parfait mélange dans un spectacle. Effectivement, parce que... C'est pas mal dans le même genre. Je me suis surpris à dire... OK, c'est pas Jungle Rot, mais ça fait très bien. Ça fait très, très bien. Effectivement. C'est une belle formation, Jungle Rot. Oh oui. Alors, message à Trois-Rivières Metal. On exige de voir Jungle Rot au Metal Fest. Rien de moins. Il est 20h45 minutes et je vous rappelle que si jamais vous l'aviez oublié ou que votre capacité cérébrale est limitée, vous êtes à réanimation des Undead Corporate Show sur les ondes de CFOU 89.1 FM et ce jusqu'à 22h. Et si votre réveil n'a pas sonné ce matin, eh bien non, vous n'êtes pas à l'antenne de Radio-Canada. Parce que maintenant, il s'appelle ici. Ben, ça va revenir, le mot Radio-Canada va revenir. Ouais. Parce qu'ils l'ont échappé un petit peu. Un petit peu beaucoup, hein? La directrice de programmation doit se faire taper ses doigts légèrement. C'est pas là, mais on aurait pu changer des noms d'émissions, nous autres, pour s'appeler Là-bas. Oui, c'est ça. Ou peut-être. Mais quoi que, c'était un peu logique, parce que le mot ici, Radio-Canada, est là depuis énormément de temps. Ah, ben oui, écoute, moi, je me rappelle, étant jeune, c'était ici, Radio-Canada, c'était correct. Mais sur le site officiel, ce matin, il disait que la première chaîne, ça va être ici, première chaîne de Radio-Canada. OK. Ici, Radio-Canada télé, ici, telle affaire, tout ça. OK. Le mot Radio-Canada va rester là. Bon. En tout cas, on se passera de commentaires au niveau des frais des contribuables dans cette histoire-là. Là. Ben, c'est cela. Au niveau de ceux qui ont annoncé des trucs sans trop savoir la bonne affaire. Effectivement. Je vous rappelle, pour ceux d'entre vous qui ne sommes pas au courant, que le 25 juin prochain, c'est la sortie du nouvel album de Hemon & Mart, soit l'album « Deceiver of the Gods ». Je n'ai aucune idée. J'ai pas eu d'advance là-dessus. J'ai pas de cue, quoi que ce soit. J'ai aucune idée comment ça sonne. Mais pour les amateurs de cette formation, eh bien, le 25 juin, c'est la sortie du nouvel album. La semaine prochaine, je vous présenterai un album qui est paru il y a, je crois, une semaine, qui porte le nom de Sentence of Life. Et l'album est du groupe Satan, qui fait partie de la New Wave of British Heavy Metal, qui, originellement, a paru son premier album il y a 27 ans, Court in the Act, qui était un excellent album. Et le retour, je dois dire, en force de Satan, qui se sont appelés à travers ça Blind Furies, entre autres, est un excellent retour. Cet album, Sentence of Death, of Life, pardon, est vraiment très, très bon. Donc, nous ferons une incursion dans cet album la semaine prochaine. Éventuellement, on devrait faire aussi une incursion dans l'album de Blood Ceremony. Qui est un excellent album. Si vous aimez le hard rock, même... Bon, c'est un stoner, hard doom. C'est vraiment très, très bon. Le dernier album est excellent. À la limite, pratiquement rock. Là. Oui, effectivement. Oui, tout à fait. Cet album-là est très, très rock, effectivement. T'as raison. Le 25 juin, c'est sorti du nouvel album de Havoc, qui porte le nom de Unnatural Selection, sur Steam Hammer. Une barre assez haute, hein, avec Time Is Up. Ouais, effectivement. Mais c'est un band qui a quand même, je dirais, pas mal de talent. Beaucoup de talent, sauf que la sauce thrash metal est en train de s'épuiser. Hein? Oui, je suis un peu d'accord. Si je me fie un peu comme Waslom, qui avait sorti un excellent album en 2011, qui vient de récidiver cette année, avec que je présenterai la semaine prochaine, c'est pas un mauvais album, mais tu sens que l'inspiration... Mais c'est facile de faire le tour dans le trash. C'est assez facile et assez rapide de faire le tour dans le thrash metal parce que c'est un mouvement qui est assez redondant de par sa constitution, sa forme. Donc, j'ai regardé un peu Warbringer, qui avait sorti deux très bons albums, puis le troisième album, c'est totalement... Encore deux albums, je te dirais, ont sorti un bon album. Ouais, vraiment. Un bon album, oui, effectivement. Mais encore là, ça, c'était victime... de l'overexposure. Et voilà. Mais si tu prends, par exemple, les formations, une qui me vient la première à l'esprit, Exodus sort pas des albums aux années, là. Non, mais c'est parce qu'Exodus fait un trash, mais comment je pourrais expliquer? C'est pas comme un trash générique. C'est pas un trash générique, mais il y a une raison pourquoi ils ne sortent pas d'album aux années. Premièrement, pas parce qu'ils tournent, évidemment, mais parce qu'ils veulent probablement prendre le temps de faire des compositions qui sont un peu plus originales, homogènes. Et encore, ce n'est pas tous les derniers albums d'Exodus qui sont vraiment bons, là. Non, c'est sûr. Ils sont corrects. Certains sont excellents. Il y en a d'autres qui sont simplement corrects. Mais je veux dire encore, là, c'est du trash metal. Mais tu remarqueras que comment je pourrais dire ça? Quand le trash est revenu comme à la mode, entre guillemets, énormément de jeunes formations où ce que les musiciens étaient très, très jeunes, qui n'ont pas connu le trash comme... L'avènement du trash des années 80. Ce qui a fait, c'est que la majorité de ces bandes-là sont carrément des clones de ce qui se faisait dans les années 80, avec plus de technique, peut-être. Oui, oui. Avec un meilleur son, peut-être. Mais ça reste qu'à un moment donné, l'original reste toujours supérieur. Ben écoute, il y a des formations qui vont réussir à aller chercher l'essence d'un style qui a été créé 20-30 ans en arrière, puis de bien l'adapter, parce que généralement, ces bandes-là vont prendre le temps de... Ils vont aussi s'être imprégnés de ce qui a été fait. Mais ton exemple est quand même assez bon de jeunes bands, parce qu'on en voit beaucoup dans le thrash metal, c'est souvent des très jeunes musiciens qui ont des 17 ans, 18 ans, des fois plus jeunes, qui ont pas nécessairement, pour certains, oui, certains qui ont été explorer ce qui s'est fait à l'époque, mais qui ont sauté dans une espèce de roue de trash actuel qui, je le dis, c'est le roue parce qu'on fait le tour assez rapidement. Donc, cette musique-là, c'est un petit peu normal qu'elle s'épuise, mais probablement que le cycle va être comme le reste. Ça va prendre une tangente qui va être un peu léthargique pour revenir dans certains temps, j'imagine. Peut-être transformé, je le sais pas, mais bon. Quoi qu'il en soit, je ferai aussi une incursion dans l'album de Uncle Acid and the Dead Beats, qui porte le nom de Mind Control, qui, sur l'étiquette Rise Above, c'est un excellent psychedelic doom metal. L'album précédent est tout aussi excellent. Je ne le connais pas, malheureusement. Donc, j'irai l'explorer éventuellement, certainement. Bref, on va aller faire un petit tour maintenant dans quelque chose qui est paru la semaine dernière et qui paraissait aujourd'hui même. Dans un premier temps, je vais vous présenter deux pièces du nouvel album de Megadeth qui porte le titre de Super Collider, qui est disponible sur Universal. Pourquoi est-ce que je reviens à Megadeth et je ne me cache pas pour avoir décrié si souvent cette formation-là? Simplement que je trouve que cet album-là est quand même très correct. Je trouve très correct. Ça fait pas de moi un fan de Megadeth. Ça fait pas de moi quelqu'un qui va vouloir en passer régulièrement. Mais je trouve que Super Collider, c'est un album qui est très honnête et je trouve qu'il y a de très, très bonnes séquences dans cet album. J'ai écouté l'album deux fois. La première pièce est excellente. Ça, c'est indéniable. C'est une très, très bonne pièce. L'album comporte des bonnes idées, des oui. bons riffs. Mais moi, en général, c'est vraiment pas venu me chercher. Il t'a pas accroché? Ça m'a même par bout emmerdé. Là. Okay. C'est moins pire que le précédent. Oui, le précédent, je l'ai appris. Moi, j'écoute ça, puis je trouve pas mon compte du tout, du tout, du tout. Ben, écoute, je vais être honnête avec toi, c'est probablement pas le genre d'album que je vais avoir le goût d'écouter en récurrence, là, régulièrement. Mais j'ai été agréablement surpris de découvrir que cet album-là, Super Collider, ben, il est pour moi, selon moi, en tout cas à mon goût, nettement supérieur au précédent. Et il me rappelle un peu, je dirais, son prédécesseur. Endgame. Endgame, qui est prédécesseur de l'avant-dernier, évidemment, dont j'oublie le titre. 13. Ben oui, effectivement. Qui m'avait comme momentanément réconcilié avec la formation Megadeth, bon, en fait, ou avec Dave Mustaine, proprement dit. Donc, on va écouter deux pièces, dont la première, Kingmaker. Et on va Elle est bonne, par exemple. Ouais, ouais, excellente. Et on va écouter la troisième aussi, Burn, qui m'a bien accroché. Il y a un aspect mélodique dans Burn que j'aime. Et généralement parlant, dans le métal, je suis pas un fan des mélodies outre mesure. Mais celle-là, je l'ai trouvée quand même bien. Donc, on va écouter deux pièces de cet album, Super Collider de Megadeth. On revient en onde parce que j'ai une deuxième présentation d'une formation qui est très fétiche en ce qui me concerne, dont il sortait un nouvel album d'une formation quasi originale aujourd'hui même. Mais pour tout de suite, Megadeth. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin. Chères auditrices et auditeurs, C'est fou 89.1 FM vous présente ce message d'intérêt public. Bonjour, mon nom est Gustave et je dois faire une confession. J'adore l'émission Brancher le Monde, diffusée tous les jeudis midi sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Quand je pense qu'en une heure, je peux écouter la musique et l'actualité internationale, mais quel voyage extraordinaire! Depuis 6 ans, La Barrique est un magasin de bières situé à Trois-Rivières où vous pouvez retrouver le plus vaste choix de bières de microbrasserie québécoise, des bières importées de différents brasseurs et brasseries du monde entier, un choix de cidre de pomme, de panier cadeau, de jerky et sans compter les verres de collection et tous les accompagnements. Leurs judicieux conseils sauront vous guider dans vos choix et votre désir de découvrir. La Barrique, 4170 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Au plaisir de vous servir. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas Rock de Neurones les lundis 20h. Assez fou, les extrêmes de nos amis. C-F-O-U 89-1. FM, voilà. Oui, c'est 89.1 FM. Vous êtes à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show, et ce, pour encore 56 minutes, en compagnie de Sinistros, le Gobelin Singe pseudo-savant, et de moi-même, le magnifique Dr. Pendragon. N'importe quoi. On vient d'entendre deux pièces tirées du dernier album de Megadeth, Super Collider, soit Burn et Kingmaker, qui ouvrent cet album. Moi, ça m'a bien plu, je dois le dire. Et je suis toujours prêt à admettre lorsque quelque chose que je n'aimais pas auparavant devient soit subitement bon ou que la nouvelle parution me plaît. Et voilà, je le dis ouvertement. Je sais que t'as pas aimé ça, je te demanderai pas tes commentaires parce que t'es loin d'être vendu à ça. Non, regarde, écoute, moi, c'est pas... pas une question d'être vendu ou non. Ben non, mais c'est correct, hein. Écoute, moi, je te dirais sur la discographie de Megadeth. Moi, c'est les deux premiers albums. Moi, le premier album, premièrement, Rust in Peace. Non, je connais même pas celle-là. J'ai entendu deux, trois tours. C'est Poppy, puis ou Sell ou But Who's Buying. Moi, c'est que Killing's My Business, puis Peace Sells. Peace Sells, But Who's Buying, c'est ça. C'est bien, ça, puis... mais bon, encore. Pour moi, Endgame. Oui, Endgame était bien. Était bonne, mais pour moi, le premier restera le plus original du lot. Et puis, voilà. Aujourd'hui même sortait un album que j'attendais grandement. Et en fait, je dois avouer que j'avais aussi une certaine appréhension. Il s'agit de la dernière parution, 13. Justement, on parlait de Megadeth tout à l'heure avec le précédent 13. Ici, c'est 13 de la formation. Britannique Black Sabbath. C'est une réunion, en fait, je dirais quasi originale, parce qu'on retrouve Geezer Butler, Tony Iommi et bien sûr Ozzy Osbourne. Tant que Bill Ward, eh bien, il n'est pas là. On parle ici de Brad Wilk, qui assure la section drum, qui était aussi le batteur, entre autres, de Rage Against the Machine et de Audioslave. Ça, Audioslave, j'ai un peu de misère avec comprendre qu'est-ce qu'il faisait là. Mais bon. Audioslave, c'est pas avec Chris Connors. Effectivement. Mais dans le fond, Audioslave, c'est Rage Against the Machine, mais pas avec le même chanteur. Ouais, c'est à peu près ça. Mm. Puis c'est Soundgarden Le Soundgarden. Ouais, c'est ça. Quoique là, ils sont revenus ensemble, Soundgarden, avec. C'est correct, là, mais bon. Ouais. Mais bon, Brad Wilk fait un excellent travail, parce que c'est un très bon musicien. L'album de Black Sabbath en tant que tel, moi, au début, je me suis dit, bah, c'est encore un coup de marketing de la Sharon Osbourne, là, pour être capable, parce que c'est elle qui détient les droits du nom. Tu sais que quand voulu faire avec Dio. Ben, c'était Heaven and Hell, parce qu'il va falloir utiliser le nom de Black Sabbath. Ça, je trouve ça un petit peu poche. Maintenant, ce que je trouve poche aussi dans cette histoire-là, c'est que Ozzy, c'est un légume, là. OK? C'est un gars qui est fini. Puis pour moi, ça nuit à la belle image que j'ai des bonnes années de Black Sabbath, de la formation originale dont je suis un fan invétéré. J'avais une certaine appréhension, mais quoi qu'il en soit, je me le suis procuré. Et je dois dire... Oh, c'est un très bon album. Que c'est un bon album. Mmh. C'est loin d'être la hauteur de ce qu'ils ont fait dans les bonnes périodes, si tu veux, de Sabbath Bloody Sabbath Volume 4, Master of Reality Company, le premier Paranoid, et genre, Sabotage, tout ça. Non. Mais c'est un bon album compte tenu du concept réapprivoisé, mais aussi du moment où on est. Là, on est plusieurs années plus tard. Là, on est quand même... S'entends-tu que Ozzy, là, ça l'a retravaillé d'une façon officielle avec l'album Reunion Live de 1997, je crois. Bon. Mais l'album commence avec la première pièce qui s'appelle End of Beginning, d'à peu près tout sensiblement dans les mêmes ambiances que le premier Black Sabbath débute avec la pièce titre. Donc, on va se taper cette pièce-là, End of Beginning, mille pardons, et on va se taper une deuxième pièce qui est la cinquième sur l'album, qui porte le titre de Age of Reason. Donc, Black Sabbath 13. Pour savoir tout ce qui se passe en Mauricie cet été, écoutez La Vie en Mauve les mercredis 18h. Chaque lundi, Un genre de bleu vous propose d'écouter les plus belles œuvres de certaines des plus grandes légendes du jazz et du blues, ainsi que les meilleurs musiciens de la scène actuelle. Un genre de bleu, c'est une mosaïque de ce monde de musique, de talents et de légendes qui vous offre un survol de tous ces styles qui constituent ce grand mouvement. Un genre de bleu, les lundis de 18h à 20h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. En rediffusion les mercredis 15h et les dimanches 14h. Du 18 mars au 1er juillet 2013, participez au concours de photos Vue d'en haut. Mettez-vous dans la peau d'un photographe et immortalisez un des nombreux plans d'eau du bassin versant de la rivière Saint-Maurice. Soumettez vos 4 meilleurs clichés par catégorie et courez la chance de gagner de nombreux prix en argent ainsi que des certificats cadeaux, forfaits et bons d'achat valides entre autres chez Maïka Aventure, Parc de l'île Saint-Quentin, Parc de l'île Melville, Tremblay Photo et le Musée québécois de culture populaire. Pour plus de détails et informations, visitez le bvsm.ca. Le concours de photos Vue d'en haut 2013 est une présentation de Projet Eau Bleue RDC et BVSM. Ici Jean-Philippe Charbonneau. Cette année, j'ai eu le privilège de partager la co-animation d'Assemblage requis avec l'honorable et le distingué Mathieu Blanc. Hey, je beurre-tu assez épais, Mathieu? Ouais! Aucun outil requis est l'occasion de retourner en arrière afin d'écouter des chroniques que vous avez peut-être manquées. Aucun outil requis, mercredi à 13h et samedi 10h, tout l'été à C'est Fou. Hey Mathieu, c'est-tu correct? Ouais! C'est Fou avant tout le monde. 89.1. L'émission est dans son dernier tournant, bien sûr, mais il nous reste encore le temps de vous passer des choses. Laissez-moi voir. Peu acceptable. Bon. C'est des choses à sinistre aussi. Ah oui, comme d'habitude. Eh oui. On vient d'entendre deux pièces tirées du dernier album de Black Sabbath. L'album porte le titre de 13. Les pièces étant Age of Reason et la pièce d'ouverture End of Beginning. Personnellement, je qualifie l'album comme étant bon, pas excellent, parce qu'il y a des faiblesses dedans, mais il est bon. On a discuté à Sinistros et moi hors honte. Je trouve, par contre, qu'il y a une grande faiblesse au niveau de la présentation graphique. La pochette est vraiment nulle. Oh, c'est nul, c'est nul. C'est vraiment nul. C'est nul, voyez, c'est nul. Oui. Oh, c'est pas si fluide. Non, c'est pas très beau comme présentation. Pour un retour comme ça, je crois qu'ils auraient pu prendre un logo qui était déjà significatif au départ. Mm. Puis éviter de mettre du feu sur le 13, là, c'est un petit peu bébelle, je trouve. Mais bon. L'album est bon et quand même, il dure, je pense que c'est 53 minutes ou 57, je pense que c'est 53 minutes. Donc, c'est quand même très acceptable au niveau de la durée de l'album. La production est excellente et force d'admettre que Ozzy fait un très bon travail en studio. En studio, c'est très, très, très bien. Donc, ceci étant dit, je vous rappelle que la semaine prochaine, je vous propose une incursion dans le dernier album de Satan, soit Sentence of Life, et l'album de Uncle Acid and the Dead Beats, qui porte le titre de Mind Control. Voilà. Sinistros, qu'est-ce que tu nous proposes en clôture d'émission? Ben, c'est pas de vos affaires. Ben, c'est ce que je me disais aussi, mais je suis curieux. Hein? Ah, ouais, ouais, un ben, bon petit bloc. Tu pourrais me répondre, ben, t'as juste à lire ça à la feuille. Ben, oui, mais c'est ce que les autres sont pas capables de le lire ça à la feuille. Ah, ben, c'est vrai. Fait que, tôt, ben, même moi, je me demande si je suis capable de lire, là, avec la vision que j'ai. Là. Ben, moi, c'est pas pire, là, c'est pas pire. Là. Ouais, t'as des nouvelles fenêtres. Oui, HD. Moi, je vis en bas de 1080p, j'en veux pas. OK. Et t'as-tu mis ça vraiment là, en 3D, mais ouais, mais il a oublié le câble. OK, va être. Le câble HDMI, fait que ça marche pas. OK. Alors, on va avoir un bloc qui varlope un petit peu, mais ça va être de la musique teintée d'autres musiques. OK. Ça va être du death metal, bien sûr. Peut-être avec la dernière pièce qui est un petit peu moins death metal, mais c'est du metal qui va être teinté de musique intéressante. T'es-tu prêt à être moins précis un peu, là? Ouais, on va y aller avec des mélanges hétéroclites d'industriels ou ben non de folklore ou de plus. Ah oui, avec The Monolith Dead Cult. Eh oui, on va avoir des trucs assez spéciaux. On va avoir des trips un peu de la romantique. On va avoir des trucs un peu de Moyen-Orient. On va avoir des trucs de Taïwan. On va avoir des trucs débiles. Alors allons-y pour commencer du death. Point final avec Nominon de la Suède, la pièce Mausoleum. C'est tiré de l'album de Cleansing. Go!

Aid, Christus Flags of Dishonor, tiré de l'excellent album Spartacus, paru il y a plus ou moins un mois et demi sur Blast Head Records. Eternam, formation de Québec, avec la pièce Invading Jérusalem, tiré de l'album Moon God de 2012 sur Galley Records. The Monolith Death Cult, avec HWA Human Wave Attack, de l'album Tetragrammaton, c'est paru en 2013 sur Season of Mist. C'est un excellent album, belle découverte pour cette année. Et Nominon avec Mausoleum, tiré de l'album de Cleansing de 2012 sur Deadgasm Records. Excellent. 21h52, et effectivement, c'est la dernière portion de réanimation. Il reste une pièce à vous passer. Moi, comme je vous rappelle, la semaine prochaine, c'est l'incursion de l'album de Satan et Uncle Acid and the Deadbeats. Tant qu'à Sinistro, j'en ai aucune idée. Ben, possiblement, la prochaine présentation, il y a un nouvel album qui vient de sortir, Tonic de Taïwan. Probablement un album que je vais présenter dans les prochaines semaines. Peut-être la semaine prochaine, si Dieu le veut, et si Satan s'en doute, ou whatever, c'est pas plus grave que ça. On va y aller avec une pièce qui s'appelle Ocean Quake. C'est tiré de l'avant-dernier album, qui s'appelle Takazago Army. C'est paru en 2011 sur Spine Farm. Le nouvel album est très bon. C'est donne un style blackish metal avec leur folklore de Taïwan. C'est assez ce que tu disais, c'est que prochainement, tu veux présenter le nouvel album de Tonic, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Dans les prochaines semaines. OK. Oui. Donc, tu sais pas si c'est pour la semaine prochaine ou quoi? Je sais pas encore, je vais décider ça. Vu que tu présentes deux albums, c'est... En tout cas, Tu peux te permettre de le faire, là, comme tu vois sur les incursions On va s'arranger parce que j'ai plusieurs présentations à faire éventuellement. Alors, vu que j'ai été paresseux ces dernières semaines. Ces dernières années. Autant sur Hurlemort, les critiques ne pleuvent pas ces temps-ci. OK. Donc, t'occuper un petit peu pour moi. Bon, ben écoute. On va se laisser avec Tonic, et sur ce... Ben, allez tous vous faire foutre. Bien entendu, et peut-être à la semaine prochaine. Ocean Quake. Eh oui, évidemment qu'on va être la semaine prochaine. Go!